Moi, j'échange cet exercice pédagogique. Jérôme Landry devenu rouge, là, je sais pas pourquoi. J'échange cet exercice pédagogique-là contre un exercice pédagogique qui amènerait Pauline Marois à venir jaser en studio à la radio ici. Pourquoi vient pas nous voir, votre patronne? Bon, écoutez, Mystère Québec on va se le dire dans la vraie vie, là. Mais ici, il y a des radios privées, puis je parle pas ici nécessairement de choix, qui ont été durs avec Mme Marois. Alors qu'elle ait fait le choix pendant cette campagne de pas venir, moi je trouve ça correct. Mais c'est un choix, là. Elle le dit. C'est normal d'être dur envers une première ministre, il me semble. C'est normal. Il y a des choses qui ont peut-être un peu parfois dépassé la mesure. L'autre chose que je veux dire, c'est, par contre, tous les candidats du Parti québécois de la région ont été ici, puis vous avez été super. Les gens sont venus ici faire des débats, vous avez offert des tribunes à tout le monde. Qu'est-ce que vous dites aux dirigeants du Parti québécois quand ils vous parlent des radios de Québec, de l'impact que ça peut avoir, de l'influence que ça peut avoir sur les électeurs? Moi, c'est quelque chose qui me pogne au vif. Moi, j'ai l'impression que quand on dit ça, on sous-estime l'intelligence des électeurs dans une région donnée. C'est pas vrai que du jour au lendemain, nous autres, on dit aux gens, allez vous pitcher en bas du pont, puis qu'ils vont aller se pitcher en bas du pont. C'est pas vrai. Nous autres, on est un porte-voix des gens à qui on s'adresse. C'est drôle, j'en ai parlé l'autre fois à une autre radio privée qui m'a posé exactement la même question. Je dis, il y a un mélange là-dedans. Il y a bien sûr l'intelligence des gens qui écoutent puis qui font des choix. Mm-hmm. Moi, je connais des péquistes qui véritablement écoutent et adorent vos radios. Bon. Et adorent choix. Sont là, ils écoutent d'ailleurs. On parle de politique, parle des enjeux. Probablement, puis j'ai même mon neveu Jérôme dans sa grange qui est probablement en train de faire le train puis de m'écouter ce matin. Salut Jérôme. Mais il y a là-dedans aussi la même idée que la pub. C'est quand t'as à la fois, en même temps, trois radios qui sont pas d'accord avec tes idées, ça finit par faire, comme dans la pub, beaucoup de monde qui sont pas d'accord avec toi. Mmh. Alors, à la fin, ça finit par faire un univers où il y a beaucoup des radios, des médias. C'est important. C'est puissant. Ça s'appelle le quatrième pouvoir. Mais c'est pas un reflet, un peu, de ce qui se passe dans la région Moi, du Québec? Moi, je vais être honnête avec les auditeurs. C'est à la fois un reflet de ce qui se passe, mais il y a aussi que la puissance radiophonique, la portée de ce reflet-là, le fait qu'elle se transporte sur trois radios à la fois, finit par avoir un impact. Mais je suis honnête avec vous autres, là. Je vous regarde dans les yeux puis je vous dis oui, ça finit par avoir un impact. J'espère que vous êtes conscient que vous avez un impact dans la société. Si vous n'avez pas d'impact, qu'est-ce que vous faites là? Vous direz que les auditeurs ont un impact auprès de nous aussi. Ça, oui, il y a de ça aussi. C'est plus ça l'inverse. Mais je suis d'accord. Sur le terrain, oui, mais je suis d'accord. Je vous le dis. Je suis d'accord que les auditeurs ont de l'intelligence. Je vous dis. Moi, je connais des péquistes qui adorent choix, qui écoutent choix, puis qui, ça échange pas, ça échange pas leur motivation. Mais le tout ensemble, soyez-en conscients, finit par faire une espèce de d'humeur. Tout à fait. Oui, mais je me dis, une première ministre, entre autres, doit faire face à la musique à ce niveau-là. Moi, c'est mon humble opinion, là. Moi, je pense qu'il y a parfois eu, puis je vais peser mes mots, parfois eu, un niveau qui a été atteint dans le passé. Pas cette élection aussi qui a été atteint, qui a été un peu difficile. Donc, OK, il y a des crottes sur le cœur. Moi, juste pour résumer, il y a des crottes sur le cœur, puis c'est pour ça que Pauline Marois a décidé de pas venir dans Radio Québec. Non, on parle pas de crottes sur le cœur, là. C'est pas ça. De rancœur? Non, pas du tout. Rotage de ballonnet? Non, celle-là, je la dis plus à des péquistes. Non, là, vous êtes... OK? Mais elle a été correcte parce qu'elle l'a dit ouvertement. Elle a pas joué. Parce qu'elle aurait pu jouer à « je suis pas là, je suis pas disponible, je vais... » Elle a pas joué à ça. Elle vous l'a dit, puis elle a bien fait ça. Agnès Maltais, merci beaucoup. Hey, il y a plaisir. Bonne fête de campagne. Salut!